Chapitre 5. Au théâtre, ce soir-là, Catherine n'était pas tellement occupée à écouter la pièce et à répondre aux signes de tête et sourires de Mademoiselle Thorpe qu'elle négligea d'inspecter, en l'honneur de M. Tilney, toutes les loges que pouvait atteindre son regard inquisiteur. En vain. M. Tilney dédaignait le théâtre comme la Pump Room. Elle espérait être plus heureuse le jour suivant, et quand, le lendemain matin, elle vit le soleil réaliser ses souhaits de beau temps, elle ne douta guère de la réussite de son autre souhait. Car un beau dimanche à Bath vide toutes les maisons de leurs habitants, et chacun en profite pour se promener et pour dire aux personnes de sa connaissance « Ah, qu'il fait donc beau temps !» Dès la fin du service divin, les Thorpe et les Allen se rejoignirent allègrement, et après avoir stationné à la Pump Room, le temps de découvrir que la foule y était insupportable et qu'il n'y avait pas là un gentil visage à voir, ce que chacun découvrait chaque dimanche de la saison, ils se hâtèrent d'aller au Crescent respirer le grand air en meilleure compagnie. Là, Catherine et Isabelle, bras dessus, bras dessous, goûtèrent de nouveau les douceurs de l'amitié en une conversation sans contrainte. Elles parlèrent beaucoup et joyeusement, mais de nouveau, Catherine fut déçue dans son espoir de retrouver son partenaire. On ne le rencontrait nulle part. Toutes les recherches furent également infructueuses, aux flâneries du matin, aux réunions du soir. Ni aux upper rooms, ni aux lower rooms, aux bals parés, aux bals tout court, on n'en voyait trace. Ni parmi les promeneurs, les cavaliers, les conducteurs de cabriolets de la matinée. Son nom n'était pas sur les registres de la Pump Room, et toute curiosité échouait. Il devait avoir quitté Bath. Pourtant, il n'avait pas dit que son séjour dût être si court. Cette sorte de mystère, toujours si saillante à un héros, magnifia sa personne et ses manières dans l'imagination de Catherine et aviva son désir de le connaître mieux. Par les Thorpe, elle ne pouvait rien apprendre, car il n'était à Bath que depuis 2 jours quand ils avaient rencontré Madame Allen. C'était toutefois un sujet dont elle s'entretenait souvent avec son amie, de qui elle recevait tous les encouragements possibles de penser à lui. L'impression laissée en son esprit par M. Tilney ne risquait donc pas de pâlir. Isabelle était convaincue que ce devait être un charmant jeune homme. Elle était non moins convaincue qu'il devait être ravi de Catherine et que par conséquent il reviendrait bientôt. Elle lui savait gré d'être un clergyman, car elle devait confesser sa sympathie pour l'Église, et quelque chose comme un soupir lui échappait tandis qu'elle disait cela. Peut-être Catherine avait-elle tort de ne pas lui demander la cause de cette gentille émotion, mais elle n'était pas assez au fait des finesses de l'amour et des devoirs de l'amitié pour savoir quand une délicate raillerie est en situation ou quand il convient de forcer une confidence. Madame Allen était maintenant tout à fait satisfaite de Bath. Elle avait trouvé des relations, et par fortune, dans la famille d'une ancienne amie chère entre toutes. Et comble de chance, ses amies étaient loin d'être aussi somptueusement nippées qu'elle. Son cri quotidien « Que je voudrais donc avoir des relations à Bath » était devenu « Quel bonheur que nous connaissions Madame Thorpe ». Elle était aussi empressée à provoquer la rencontre des deux familles que pouvaient l'être Catherine et Isabelle même. Jamais satisfaite de sa journée, si elle n'en avait consacré la majeure part auprès de Madame Thorpe, à ce qu'elle appelait une conversation et qui n'était presque jamais un échange d'opinions et souvent n'avait pas même de sujet commun, car Madame Thorpe parlait principalement de ses enfants et Madame Allen de ses robes. Les progrès de l'amitié de Catherine et d'Isabelle furent rapides, comme son début avait été chaleureux. Elles brûlèrent les étapes. Elles s'appelaient par leur nom de baptême, se donnaient toujours le bras à la promenade, s'épinglaient leurs traînes avant la danse, et dans les quadrilles ne voulaient jamais se séparer. Quand il faisait mauvais temps, elles se réunissaient encore, au mépris de la pluie et de la boue, et s'enfermaient pour lire ensemble des romans. Oui, des romans. Car je ne donne pas dans cette mesquine et maladroite habitude qu'ont les auteurs de romans de déprécier, par leur blâme, toute une catégorie d'œuvres dont ils ont eux-mêmes accru le nombre, se joignant à leurs ennemis pour décerner les plus rogues épithètes à ces œuvres-là et n'en permettant presque jamais la lecture à leur héroïne qui, si elle ouvre par hasard un roman, ne fera certainement que le feuilleter et avec dégoût. Là, si l'héroïne d'un roman n'est pas patronnée par l'héroïne d'un autre roman, de qui pourra-t-elle attendre protection et égard? Laissons aux rédacteurs de revues le soin d'incriminer toute effusion d'imagination et de déplorer, sur un mode marmiteux, les riens qui font maintenant gémir les presses. ne désertons pas notre propre cause. Nous sommes une caste fort décriée. Par vanité, ignorance ou mode, nos ennemis sont presque aussi nombreux que nos lecteurs. Et tandis que les prestiges du 900e abréviateur de l'histoire d'Angleterre ou ceux du monsieur qui réunit et publie 12 vers de Milton, de Pope, de Prior, avec un morceau du Spectator et un chapitre de Sterne, sont exaltés par mille plumes, il semble qu'il y ait un souci presque général de contester l'importance et de sous-évaluer le travail du romancier, bref, mépriser les œuvres qui ne se recommandent que par de l'invention, de l'esprit et du goût. Je ne suis pas un liseur de romans. Un coup d'œil à peine aux romans. Ne vous imaginez pas que je lis souvent des romans. Ce n'est vraiment pas mal pour un roman. Tel est le jargon en usage. Et que lisez-vous, miss ? Oh, ce n'est qu'un roman, réplique la jeune personne en laissant tomber son livre avec une indifférence affectée ou quelque honte. Ce n'est que Cécile ou Camille ou Bélinde. C'est seulement une œuvre dans laquelle les plus belles facultés de l'esprit sont prodiguées et qui offre au monde, en un langage de choix, la plus complète science de la nature humaine, la plus heureuse image de ses variétés, les plus vives effusions d'esprit et d'humour. Mais qu'elle était aux prises avec un volume du Spectateur, combien orgueilleusement elle eût produit le livre et proclamé son titre. Quoi qu'il soit peu probable qu'une jeune personne de goût puisse ne pas être rebuté par le sujet et le style de cette volumineuse publication où sont colligés surtout des anecdotes improbables, des traits de caractère extravagants, des thèmes de conversation qui ne concernent plus âme qui vive, le tout en un langage dont la fréquente grossièreté est peu faite pour donner une idée flatteuse du temps qui la supporta.